La Villa Amorosa par Joseph Méry. Sur les bords de l'Arno, entre Pontedera et Empoli, de charmants villages, on rencontre un couvent de franciscains qui sombrage d'un bois d'alisier, et derrière ce couvent, sur une hauteur, une villa délicieuse nommée la Villa Amorosa. C'est là que le poète Dante, irrité contre les guerres civiles des Florentins et des Pisans, leur adressa un magnifique discours et ramena ces deux peuples à des sentiments de paix et d'union. Le comte Ferretti, le maître de Villa Amorosa, avait une fille qui avait perdu son nom de baptême dans son surnom de Carina que sa mère lui avait donné. Carina était la plus belle fleur de cette corbeille embaumée qu'on nomme Florence. Elle avait tout ce qu'il y a de mieux au monde, 16 ans, la grâce, la beauté, l'esprit. Son père gardait ce trésor avec des yeux d'avare et ne permettait pas qu'aucun souffle mondain le ternît. Ce pauvre père avait d'ailleurs trop de bonnes raisons pour agir ainsi. La jeune Carina descendait d'une famille qui était frappée d'un étrange malheur héréditaire. Depuis 2 siècles, toutes les femmes de cette famille mouraient la première année de leur mariage, et la comtesse Ferretti avait été la dernière victime de cette mystérieuse fatalité. Le comte Ferretti avait donc décidé en lui-même que sa fille ne prendrait jamais un mari, et lorsque sa faiblesse de père semblait vouloir ébranler cette résolution, il allait reprendre toute son énergie devant les archives de marbre funéraire du Campo Santo de Santa Maria Novella, où la mort garde soigneusement les dates et les noms pour les montrer à la vie qui parfois les a oubliés. Le 24 juin 1692, la ville de Pise était en fête, selon son vieil usage, en l'honneur de Saint Jean. Toute la noblesse toscane s'y montrait avec ses bannières, ses écus armoriés, ses clients, ses pages. On dansait au palais de Philippe Strozzi, dont les jardins s'ouvrent sur la rive droite de l'Arno. Le comte Ferretti avait amené sa fille chez Strozzi, et tout étourdi par le tumulte de la fête, il s'était relâché de sa surveillance habituelle, comme un avare égare une fois dans sa vie la clé de son coffre-fort. La belle Carina, exaltée jusqu'au délire, comme toute jeune fille qui fait son entrée dans le monde des plaisirs, dansait avec le jeune Memo d'Arrighi sur la pelouse qui s'étendait jusqu'à l'Arno. Le bal, chassé des galeries où la chaleur était étouffante, venait de s'établir en plein air à la lueur des constellations de la plus courte et de la plus radieuse des nuits. Memo d'Arrighi était un artiste du plus haut mérite. Architecte, peintre, statuaire, il s'exerçait dans tous les genres et promettait un successeur à Buonarroti. Le pape Pie XII, voulant inaugurer son règne par quelque grande œuvre d'art, avait envoyé à Florence Memo d'Arrighi avec la mission de prendre un dessin détaillé du merveilleux campanile de Giotto pour faire élever une copie exacte de ce monument à Rome, entre Saint-Jean de Latran et Sainte-Marie-Majeure. Memo s'occupait donc de ce travail, mais comme tous les artistes de son âge, il aimait à remplacer l'étude par le plaisir lorsque l'occasion se présentait. Il avait tout ce qu'il faut pour séduire à première vue. Son visage ressemblait à un beau modèle de Van Dyck. Sa taille souple portait avec une gracieuse aisance le pourpoint de soie noire. Ses cheveux noirs, taillés à la manière des premiers peintres florentins, laissaient à découvert un front superbe où rayonnait le génie des beaux-arts. Cette nuit conseillait toutes les hardiesses de la parole. Pise retentissait d'hymnes de fête. Les rives de l'Arno s'illuminaient de flammes folles. Les barques passaient avec les mélodies des sérénades. Le pont de marbre tressaillait sous un immense concert d'instruments et de voix. La sagesse ne trouvait aucun asile pour s'y réfugier jusqu'à l'aurore. Carina écoutait pour la première fois des paroles de tendresse, modulées par un beau jeune homme, dans cette langue italienne qui était inventée pour la musique, la poésie et l'amour, cette trinité de la terre qui ne forme qu'une seule passion. La jeune fille inclinait son oreille vers les lèvres harmonieuses de son danseur et ses yeux levés au ciel regardaient fixement l'étoile de Vénus, le plus beau flambeau de cette fête de nuit. Il y avait, dans cette double volupté des oreilles et des yeux, une alliance si intime que désormais l'une ne pouvait plus se séparer de l'autre dans le souvenir de Carina. Un seul instant, le regard de la jeune fille se détacha de l'étoile et tomba sur les groupes du jardin de Strozzi. Ce coup d'œil suffit pour distinguer le comte Ferretti, qui cherchait sa fille sans doute, car tous ses mouvements avaient une singulière agitation. Au même moment, Memo achevait son œuvre de séduction avec ces paroles. « Vous n'avez qu'une rivale de beauté dans cette bienheureuse nuit, et cette rivale n'appartient pas à la terre. Elle ne brille qu'au firmament. C'est l'étoile que vous avez honorée de vos regards. » L'arrivée du comte Ferretti ferma la bouche de mes mots. Le père examina brusquement de la tête aux pieds le jeune artiste et le jugea dangereux comme le démon tentateur. Il prit la main de sa fille sans prononcer une parole, traversa le jardin, les galeries, le vestibule, et oubliant de dire adieu à Strozzi, il rentra dans son palais de la place des Chevaliers. Là, il fit venir auprès de lui la bonne Gesualda, nourrice de sa fille, et lui dit d'un ton mystérieux « Conduisez Carina tout de suite à sa chambre haute. Récite avec elle la prière à Sainte Marie des Fleurs, la patronne du dôme de Florence, et ne la quittez que lorsqu'elle s'endormira. » « Bonne mère, dit Gesualda en joignant ses mains, est-il arrivé quelque malheur à ma gentille maîtresse ?»« Oui et non, dit le comte d'un air mystérieux, qui fit ouvrir des yeux démesurés à la nourrice. Et s'adressant ensuite à sa fille, qui par contenance décousait les dentelles de ses manchettes et de son corsage dans un coin de la salle, « Carina, dit-il, vous avez entendu les bruits du monde pour la première et la dernière fois. J'ai fait un vœu pour vous à Notre-Dame de San Miniato, vous le savez. Les pompes et les œuvres du monde vous sont interdites. Vous avez prononcé un serment au berceau par ma bouche, vous le tiendrez. Ce soir, à cause de la luminara du grand Saint-Jean, j'ai voulu vous donner un peu de liberté. Faites que ma bienveillance paternelle n'ait pas lieu de se repentir. Retirez-vous, mon enfant, et soyez avec la paix de Dieu. » La jeune fille s'inclina respectueusement, baisa la main de son père, et suivit sa nourrice avec un air de touchante résignation. Mais Maud Arrighi n'avait vu qu'un instant sa danseuse, mais il y a des instants qui résument des siècles. La blessure avait pénétré au fond du cœur, c'était la mort ou la vie. Carina était aux yeux de l'artiste plus belle que la première Madone exposée à la chapelle des Rucellai, plus belle que cette vierge de Luca Robbia qui inspirait Raphaël, plus belle qu'un ange de Fiesole. Il était impossible de l'oublier, car on retrouvait ce type divin dans les saints musées de tous les cloîtres, de toutes les églises, de tous les cimetières toscans. Chaque peintre de l'école primitive avait deviné la beauté de Carina ou l'avait copiée dans une vision du troisième ciel. Le jeune artiste, en voyant partir le comte Ferretti et sa fille, éprouva un affreux serrement de cœur. La vie lui échappait, et pour la ressaisir, il suivit dans l'ombre la robe blanche de Carina, et ménageant ses pas avec prudence, il arriva, sans être aperçu, sur la place des Chevaliers, au moment où la porte du palais Ferretti s'ouvrait pour se refermer tout de suite. L'ange avait disparu, l'espoir restait. Memo connaissait la demeure de Carina. Cette place des Chevaliers offre, dans son enceinte circulaire, une réunion imposante de palais dont l'architecture annonce l'opulence et la haute noblesse des maîtres. La jeune fille était donc de naissance illustre, mais il n'y avait pas lieu de se décourager. Le talent marchait l'égal de la noblesse à cette époque. Et Memo, protégé par le pape Innocent XII, Memo, ambassadeur des arts à Florence, se croyait aussi noble que les Strozzi, dont les armes sont ornées de trois croissants d'or. C'est ainsi que raisonnait l'artiste en se promenant au clair des étoiles sur la place des Chevaliers. Il ne se doutait pas qu'un œil scrutateur se fixait sur lui. Le comte, qui en sa qualité de Florentin et de lecteur de Boccace connaissait toutes les ruses de la stratégie amoureuse, ne s'était pas endormi sur l'oreiller de l'imprudence. Il veillait derrière une persienne de son balcon, et il reconnut tout de suite le formidable démon du bal de Strozzi, méditant peut-être l'escalade de son palais. À cette vue, le noble seigneur mit la main sur la garde de son épée et fit quelques pas vers l'escalier, avec l'intention de traiter cet amoureux en maraude comme un bandit des Abruzzes ou des Apennins. Mais une réflexion sage corrigea la folie de ce premier mouvement. Il resta, posé en sentinelle vigilante, à son balcon, et aux premières lueurs de l'aube, il vit Memo lancer un regard d'adieu au palais Ferretti et s'enfoncer à droite dans les rues sombres qui conduisent au Campo Santo. Le comte allongea le bras dans cette direction et agita sa main en signe de menace. Pantomime qui signifiait l'une de ces deux choses, « Je te tuerai comme un gibelin » ou bien « Tu ne la reverras plus ». Memo courut toute la nuit dans les carrefours déserts. Il s'arrêta devant les quatre monuments qui épuiseront l'admiration des siècles, le Dôme, le Baptistère, le Campanile, le Campo Santo. Il regarda longtemps ces merveilles et ne les admira pas. La merveille qu'il avait vue au jardin Strozzi passait toujours devant ses yeux, en éclipse en tout. Le jour, qui arrive si vite le 24 juin, fut accueilli par Memmo comme un ami consolateur. L'artiste donna un dernier regard au dernier astre qui s'évanouissait dans les blancheurs de l'aube. C'était l'étoile de Vénus. Quand le soleil éclaira la cime du campanile, Memmo reprit lentement et par des rues détournées le chemin de la place des Chevaliers, avec l'espérance de voir luire à quelques fenêtres un astre plus radieux que le soleil de l'été. Memmo ne vit rien. Toutes les fenêtres restèrent closes. Le palais était silencieux comme un tombeau. À midi, cette façade, obstinément muette, annonçait que les maîtres avaient disparu. L'accès en était interdit même aux quêteurs des ordres mendiants, même aux pèlerins qui faisaient leurs pieuses étapes de Pise à Florence pour gagner Poggi Bonzi et la crête des Apennins. « Ton père, disait la nourrice à Carina, ne veut pas te tenir ainsi enfermée trop longtemps dans cette maison. Ainsi, ma fille, ne te chagrine pas trop. En ces moments, tu es exposée à des dangers que tu ignores. Mais Notre-Dame de San Miniato veille sur toi. Et quand ces dangers auront été éloignés par son intercession, tu reverras encore les villes. Ton père doit nous conduire à Rome et te montrer toutes les belles et saintes choses du palais des papes pour te dédommager des jours ennuyeux que tu passeras dans cette maison. » Après quelques heures d'observation extérieure, il est très facile de reconnaître qu'une maison est inhabitée. Memmo douta longtemps, mais il fallut se rendre à l'évidence. Le comte et sa fille étaient partis avant le lever du soleil, ce qui semblait annoncer une fuite plutôt qu'un départ. Les renseignements que recueillit Memmo dans la journée lui apprirent que le comte Ferretti habitait, à Florence, un palais dans le bourg de Tous-les-Saints. En quelques heures, un bon cheval emporta le jeune artiste à la herse, où brillent sur leur écusson les tourteaux des Médicis. À Florence, on lui indiqua tout de suite la demeure du comte Ferretti. Encore un palais désert, encore un désespoir. La réflexion pourtant vint en aide à Memmo. On était dans une maison où la noblesse toscane quitte la ville pour la campagne. Il s'agissait donc de découvrir la résidence d'été du comte Ferretti. Rien ne parut d'abord plus facile. La villa Ferretti s'élevait de l'autre côté de l'Arno, sur la colline où la villa Strozzi se voile, encore de nos jours, d'un massif de pins et de cyprès. Il fallait attendre la nuit pour tenter les hasards de cette nouvelle exploration. Elle ne fut pas plus heureuse. À la clarté des étoiles, Memmo reconnut sur la grille de la villa les armes des Ferretti, trois astes de sable sur un champ d'argent. Oh, cette fois, Memmo crut avoir découvert une triste vérité. Il se rappela tout à coup la mine farouche du comte Ferretti, à sa brusque apparition au bal, et il conclut, à bout de conjectures, que le fier gentilhomme, redoutant quelque malheur pour sa fille et quelques mésalliances forcées, avait voulu soustraire à tous les yeux cette étoile de beauté qui n'avait lui qu'un instant au bal de Strozzi, dans la plus radieuse des nuits de l'été italien. Memmo attendit donc ce que le hasard pouvait lui fournir en révélation imprévue les jours suivants, car le hasard est toujours obligé de donner quelque chose à ceux qui comptent sur ses faveurs. Un jour, le jeune artiste, sortant du palais Riccardi, vit passer trois cavaliers dans Via Larga et reconnut tout de suite, malgré son costume campagnard, le comte Ferretti suivi de deux domestiques. En examinant les pieds des chevaux, il fit une conjecture assez raisonnable. Ces animaux arrivaient indubitablement du Val d'Arno et de la route d'Empoli, car ils avaient piétiné sur une poussière jaunâtre et humide que les carrières d'argile étrusque prodiguent à ce vallon. Le comte Ferretti, selon une probabilité très admissible, possédait une autre résidence d'été, une retraite mystérieuse sur ces collines vertes et charmantes qui bordent l'Arno, de Florence à Pontedera, et où s'épanouissent tant de villas aériennes comme des corbeilles de fleurs. Plein de cette idée, qui produisait chez lui l'effet d'une inspiration, Memmo chercha un expédient pour découvrir l'asile, où le despotisme paternel avait relégué une fille coupable du crime de beauté. Un soir, au tombé du jour, notre jeune artiste était assis sur la pierre du Dante, Sasso di Dante, devant le dôme d'Arnolf, cette merveille d'architecture qui désespérait Michel-Ange partant pour bâtir Saint-Pierre du Vatican et qui lui faisait dire « Je vais te bâtir une sœur qui sera plus grande, mais qui ne sera pas plus belle. » Du dôme, il porta ses regards et contempla le campanile, ce chef-d'œuvre de grandeur, de grâce et d'élégance que Giotto sculpta comme une aspiration sublime vers le ciel. Quel travail et quel génie, se disait-il en lui-même. Giotto, un berger des bords de l'Arno, un mendiant destiné à conduire un troupeau toute sa vie, et qui trahit, par hasard, son talent aux yeux de Cimabue et troque sa houlette contre le pinceau du peintre et le ciseau du sculpteur. Par une filiation naturelle d'idées dérivant de cette première réflexion, il arriva promptement à un étrange projet. Le lendemain, au lever des premières étoiles, Memo traversait le village d'Empoli sous un costume qui l'aurait rendu méconnaissable à son meilleur ami. Un feutre gris et plat couvrait ses boucles de cheveux noirs. Un saillon de poils de chèvre enveloppait son corps jusqu'aux genoux et une lourde chaussure de montagnard, dont la semelle était garnie de clous, dérobait l'élégance aristocratique de ses pieds. Aux premières berges verdoyantes de l'Arnaud, il trouva sans peine ce qu'il cherchait, un pâtre menant à travers les bruyères quelques maigres brebis. Aujourd'hui encore, le voyageur des Apennins rencontre fréquemment ces pauvres bergers, dont toute la fortune errante consiste en 5 ou 6 chèvres s'abreuvant au réservoir de la pluie et se nourrissant de l'herbe des rochers fondus. Les pièces d'argent que Memo fit briller aux yeux du pâtre de l'Arnaud donnèrent au marché proposé une prompte conclusion. Memo se vit soudainement élevé à la noble et première profession de son maître Giotto. L'artiste envoyé de Rome pour imiter le campanile commençait donc par imiter le berger créateur de ce monument. Armé de sa houlette, il chassa son petit troupeau, d'abord rebelle, vers la première villa de l'Arnaud, et pendant que ses chèvres broutaient le serpolet et le cytise, il fit de mystérieuses évolutions autour de la maison de campagne, interrogeant de l'œil toutes les fenêtres qui s'ouvraient sur la zone céleste où scintillait l'étoile de Vénus. Son raisonnement lui paraissait merveilleux de justesse. « Il m'est prouvé, disait-il, que j'ai fait quelque impression sur la belle Carina. Le père a indubitablement fait la même remarque. Aussi, pour la soustraire au danger que fait courir à une jeune fille une première émotion amoureuse dans une nuit de bal et d'ivresse, ce stupide comte Ferretti a claquemuré sa fille dans quelque nid de vautours sur les crêtes du Val d'Arnaud. Or, la pauvre fille ne s'accommode pas de cette réclusion. Elle s'irrite et s'enflamme de plus en plus, et à coup sûr, aux heures qui lui rappellent son dernier instant de liberté, aux heures de rêverie nocturne, elle doit regarder au ciel la seule chose de ce bal que son père n'a pu lui enlever, l'étoile de Vénus. Si je me trompe dans ces conjectures si raisonnables, eh bien, j'aurai du moins le bonheur d'avoir suivi dans ce bal, de pâturage en pâturage, les traces de mon maître Giotto, et je me trouverai ensuite beaucoup plus digne de copier son chef-d'œuvre et d'accomplir la mission que le Saint-Père m'a donnée au Vatican. Cela pensé, Memo rôda autour de plusieurs villas du vallon et les trouva toutes profondément endormies et fermées sur toute la hauteur des façades comme des couvents à l'approche des Sarrasins. Lorsque les dernières étoiles pâlissaient dans les éclaircies de l'aube, Memo conduisait son maigre troupeau dans quelques grottes où il le laissait jusqu'au soir. « Ainsi devait faire Giotto, disait-il, quand il vivait de la vie que je mène, et que le soleil éclairant le sable d'argent ou l'argile du Val d'Arnaud, ce pauvre pâtre florentin traçait sur ces pages offertes par la nature les premières ébauches naïves de son art. C'est dans Villa Amorosa, secrètement achetée par le comte Ferretti, que la jeune fille avait été enfermée sous la garde d'une nourrice dévote et de quelques serviteurs. La plus stricte surveillance défendait la villa comme une place forte. La jeune Carina permettait à sa nourrice de dire toutes sortes de paroles sages, mais elle ne discutait point avec elle. À quoi servent les discussions quand deux interlocuteurs ne parlent pas la même langue et ne se comprennent pas? Carina était encore plus sage que sa nourrice en se taisant. Une nuit du mois d'août, la chaleur était si étouffante que la nourrice ouvrit les fenêtres de la chambre à coucher pour donner de l'air et elle s'endormit sur un fauteuil. Carina s'avança pieds nus vers le balcon et prit une position qui lui permettait de voir le magnifique tableau de la campagne et du ciel. Une clarté douce tombait des étoiles sur le Val d'Arnaud et les collines de Pontadera et d'Empoli. On entendait d'autres bruits que le murmure du fleuve et les cloches des couvents qui sonnaient les matines. La jeune fille leva les yeux et distingua cette radieuse étoile qui luisait sur le jardin Strozzi et qui semblait lui rendre en ce moment, avec sa rosée de rayons, les émotions de ce premier bal du 24 juin. Un léger tintement de sonnette arracha la jeune fille à sa contemplation et fit descendre ses regards des hauteurs du ciel aux crêtes des collines de l'Arnaud. Ce qu'elle vit alors lui produisit l'effet d'un rêve. Un petit troupeau s'était avancé à très peu de distance de la villa et le pâtre, assis sur un tertre de gazon, dans une pose de mystérieuse immobilité, tenait son regard fixé sur la fenêtre de Carina. En plein jour, même sous son déguisement, le pâtre aurait été reconnu du premier coup par la jeune fille. Mais, la nuit la plus lumineuse étant toujours la nuit, Carina ne vit dans ce pâtre qu'un malheureux enfant des Apennins, gagnant sa vie avec un troupeau. Cependant, son œil ne pouvait se détacher de cette scène agreste, si commune dans ce pays et à cette époque, et bientôt, par un de ces effets d'optique nocturne qui ressemblent à des illusions, elle crut que les regards du berger se tournaient de temps en temps vers le point du ciel où scintillait l'étoile de Vénus. Ce qui était doute devint certitude. Après une longue tenue d'immobilité, le visage du berger se tournait successivement vers deux directions, l'étoile et la fenêtre. Il y avait même dans ce double mouvement quelque chose d'affecté qui portait un trouble inconnu dans le cœur de Carina. Elle rougit pudiquement de se trouver ainsi exposée, en négligé de nuit, aux yeux de ce pâtre équivoque, et elle se retira en tremblant au moment où sa nourrice Gesualda se réveillait. La jeune fille acheva sa nuit dans des pensées qui devinrent des conjectures à la faveur d'une brûlante insomnie prolongée jusqu'au matin. Vers le milieu de ce jour-là, le comte Ferretti, qui avait chassé le cerf dans l'épaisse forêt qu'on trouve entre Livourne et Pise, s'en revenait à Villa Amorosa pour voir sa chère enfant recluse. Il laissa son cheval à la métairie de l'Arnaud et gravit à pied la colline en suivant un sentier qui adoucissait, par mille détours, les aspérités de sa pente. Arrivé au point culminant, où s'élargissait un plateau de terre argileuse, le comte aperçut un pâtre incliné sur le sol et traçant des figures avec un soin minutieux comme un peintre dans son atelier. Quoique le comte ne ménagea point en marchant le bruit de ses indiscrètes bottines de chasseur, notre berger ne daigna pas se détourner de son travail pour voir le visiteur importun, ce qui permit au narrateur de croire qu'il y avait au fond de cette scène une ruse d'amour préparée habilement. Le comte arriva ainsi jusque sur les talons du pâtre, et il vit ce que Cimabuesseul avait vu une fois dans les collines du Val d'Arnaud. Artiste comme toute la noble race de cette belle époque florentine, le comte tressaillit de joie et se crut Cimabue II. Le pâtre terminait en ce moment sur sa toile d'argile une vaste esquisse où la perspective était mieux observée que dans le dessin primitif du peintre Giotto, ce qui porta au comble l'enthousiasme de Ferretti, plus heureux avec cette découverte que Cimabue Ier. Sur le premier plan, quelques chèvres, animaux inventeurs du caprice, prenaient toutes sortes de poses fantasques, mais admirablement étudiées, et sur le fond du tableau, on distinguait les cinq dômes de l'église d'Arnolf et de Brunelleschi, la tour du Palais Vieux et le campanile de Giotto. Le comte ne maîtrisa plus son admiration. « Salut au digne fils de Giotto » dit-il en se découvrant avec respect, car la fierté du gentilhomme s'effaçait devant le génie du berger artiste. Memo, car c'était lui, fit un mouvement brusque, plein de naturel, laissa tomber le stylet de buis qui lui servait de crayon, et écartant avec ses mains sur ses tempes les boucles de ses cheveux, il regarda d'un œil effaré le comte Florentin. « Voilà donc votre atelier, jeune artiste, » dit Ferretti. « Mais vraiment, ce serait une honte si les Riccardi, les Pitti, les Strozzi n'accordaient pas l'hospitalité aux fils de Giotto dans leur palais et leur villa. » Memo se leva, salua le comte et baissa les yeux avec une modestie charmante. « Où est ta demeure ?» dit le comte. « Je n'ai point de demeure, » répondit Memo. « J'ai des asiles. » « Qui te nourrit ?» Memo éleva un doigt vers le ciel. « Qui t'aime ?» Memo secoua la tête mélancoliquement. « Quel est ton nom ?»« Taddeo. » « Pauvre enfant, » ajouta le comte, en examinant en détail le costume dévasté de Memo. « Il a l'air bien malheureux. »« Écoute, Taddeo, tu as soif et faim, sans doute. Viens réparer tes forces à ma villa, celle que tu vois de ce côté. Viens, c'est le comte Ferretti qui t'offre l'hospitalité. » Le pâtre fit éclater une joie véritable qui ressemblait à une explosion de reconnaissance pour un seigneur si hospitalier. Le chemin à faire était court. Le comte introduisit Memo dans sa villa et donna ordre de le servir comme un fils de la maison. La belle Carina entendit sous ses pieds un bruit inaccoutumé dans cette retraite silencieuse, et comme la voix de son père dominait ce tumulte intérieur, elle descendit aux salles basses, et rencontrant son père, elle l'embrassa et lui demanda timidement ce qu'il y avait de nouveau chez lui. « Ma chère fille, lui dit le comte, encore tout ému de sa découverte, notre Florence est toujours le pays des grands artistes. Seulement, il ne laisse pas toujours dans les hautes classes. Je vais te montrer le fils de Giotto assis à la table hospitalière des Ferretti. » Le comte prit sa fille par la main et la conduisit dans une salle où Memo était servi comme un hôte illustre par le majordome de la villa. L'artiste se retourna et ses yeux rencontrèrent le visage de la jeune fille. Carina poussa un grand cri et tomba évanouie dans les bras de son père. Du premier coup d'œil, elle avait reconnu Memo. Ce fut pour le comte un trait de lumière. La fierté du gentilhomme l'emporta sur l'amour paternel. Il laissa tomber sa fille et, repoussant d'un bras vigoureux Memo qui se précipitait au secours de Carina évanouie, « Misérable ! » s'écria-t-il, « tu ne sortiras pas d'ici vivant !» Et son geste brusque ordonna au domestique de se retirer. Il ferma la porte de la salle, et sans donner un regard à sa fille, il dit à Memo, en arrachant deux longues épées d'un faisceau d'armes attaché au mur, « Veux-tu te défendre en gentilhomme ou te laisser tuer comme un bandit ?»« Je veux épouser votre fille, » dit Memo avec une voix pleine de douceur. Le comte mit la pointe de son épée sur la poitrine nue de Memo. L'artiste inclina sa tête sur l'épaule droite, laissa tomber mollement ses bras dans toute leur longueur et attendit le commortel sans faire un mouvement de défense, sans donner un signe d'effroi. Cette noble contenance frappa le comte Ferretti. En ce moment, un long soupir s'exhala de la poitrine de Carina étendue aux pieds de son père. « Secours et grâce pour elle !» s'écria Memo d'un ton déchirant. « Et puis, tuez-moi !» Le cœur paternel reprit soudainement ses droits. Une larme mouilla les paupières de Ferretti. La main qui tenait l'épée s'ouvrit généreusement et releva la jeune fille en laissant tomber l'arme. « Oh, ne craignez rien, » dit Memo, « je ne cherche pas à fuir. Remettez une seconde fois sur ma poitrine la pointe de votre épée, et je vous épargnerai un meurtre en m'élançant moi-même au-devant du coup mortel. C'est moi qui me tuerai avec votre fer. Le père de Carina me sera toujours sacré, je ne me défendrai pas. » Le comte regardait fixement Memo, et soulevant sa fille dans ses bras, il s'asseyait sur un fauteuil et la plaçait sur ses genoux. La vie rentrait au cœur de la pauvre recluse, et un léger incarnat colorait ses joues que le fard de la mort venait de couvrir. Memo contemplait ce groupe et pleurait. « Il y a des circonstances solennelles, dit le comte, où la noblesse du cœur se révèle en un instant. Jeune homme, vous avez un sang héroïque dans les veines, et tout ce que vous venez de faire de grand efface tout ce que vous avez fait de bas. Ne m'interrompez point, jeune homme. Vous êtes celui du bal de Strozzi. Je vous reconnais bien maintenant. Vous êtes l'envoyé du souverain pontife Innocent XII. Vous êtes Memo d'Arrigue. » Signe affirmatif de Memo. « Eh bien, poursuivit le comte, vous avez la noblesse du talent et la noblesse de la naissance. Vous êtes donc plus noble qu'un Ferretti. Je vous donne ma fille. » Et je prie la Madone de la chapelle des Rucellai, la Sainte Vierge de Cimabue, afin que ma fille unique échappe à cette loi fatale qui tue toutes les jeunes épouses de notre maison. » Memo se précipita au pied du comte et embrassa ses genoux. La jeune fille ouvrait lentement les yeux et voyait comme dans un heureux songe la main du comte dans la main de Memo. Une page de plus n'ajouterait rien à cette histoire. Cependant, il faut dire que le mariage fut célébré à Santa Maria Novella, devant la première Madone italienne, dans la chapelle des Rucellai, et l'artiste Memo fit un vœu au pied de l'autel. L'année suivante, Memo eut un enfant et la mère survécut à ses couches. Bien plus, elle sembla prendre dans cette épreuve fatale une nouvelle force, une nouvelle vie. Le vœu de Memo fut accompli. L'artiste orna de fresques pieuses le cloître de Santa Maria Novella, et son dernier tableau représente encore aujourd'hui un pâtre endormi sur les collines de l'Arno, et dont le visage est éclairé par les rayons du plus brillant des astres, l'étoile du berger. Ainsi s'achève la Villa Amorosa par Joseph Méry.